dimanche 7 octobre, revenez fils rebelles. L'histoire du peuple d'Israël fourmille de récits de périodes de désobéissance et d'anarchie, suivies par un retour à Dieu et à l'obéissance suivie de nouveau par davantage de désobéissance et de conflits. Ce motif se répète encore et encore. Chaque fois que le peuple de Dieu suivait consciencieusement la volonté divine, il était béni, béni de paix et de vie. Chaque fois qu'il désobéissait et suivait ses propres voies, ses vies devenaient misérables, pleines de guerres et de conflits. Même avant qu'Israël n'entre en terre promise, Dieu avait prédit ce motif et proposé la solution pour éviter ces terribles conséquences dans leur existence. Lisez Deutéronome 28, 1 à 14. Quelle bénédiction devait revenir à Israël si le peuple obéissait à la volonté de Dieu ? Lisez Jérémie 3, les versets 14 à 18. Qu'apprend-on sur l'appel que Dieu lance à se repentir et à revenir à lui ? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'amour et la patience de Dieu envers son peuple ? Ce qu'il y a d'étonnant dans le livre de Jérémie, c'est la manière dont Dieu apparaît comme aimant, miséricordieux et généreux envers son peuple, malgré toutes ses rébellions, sa division et l'idolâtrie. Dieu invite constamment son peuple à revenir à lui et à se repentir de son entêtement. Dieu n'avait de cesse de promettre la restauration et l'espérance pour l'avenir. « Reviens, Israël l'infidèle, déclaration du Seigneur. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis fidèle, déclaration du Seigneur. Je ne garde pas rancune pour toujours. Reconnais seulement ta faute. C'est contre le Seigneur, ton Dieu, que tu t'es révolté. Tu t'es prodigué aux étrangers sous tout arbre verdoyant, et vous ne m'avez pas écouté. » Déclaration du Seigneur. Les paroles de Jérémie ont été prononcées à une époque de laisser-aller généralisé vis-à-vis de la parole de Dieu. Certaines réformes avaient été initiées du temps du roi Josias, mais la plupart des gens n'éprouvaient aucune aspiration spirituelle à continuer d'obéir fidèlement à Dieu. Leur péché, l'idolâtrie et des vies égocentriques causaient leur ruine spirituelle et politique. Plus ils s'éloignaient de la volonté de Dieu, et plus leur perspective d'avenir s'annonçait terrible. Pourtant, à travers Jérémie, Dieu a parlé avec eux. Dieu envisageait un meilleur avenir pour eux, et il aspirait à leur redonner prospérité, unité et santé. Mais cela ne pourrait se produire que s'ils voulaient vivre par la foi et par tout ce que la foi authentique implique. C'est quelle est la portée de la différence entre l'obéissance et la désobéissance dans votre vie ?